Deuxième livre des Rois, chapitre 7. Alors Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, demain à cette heure-ci on donnera, le sad de fine farine pour un sicle, et les deux sads d'orge pour un sicle, à la porte de Samarie. Mais un capitaine, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu, et dit, quand l'Éternel ferait maintenant des ouvertures au ciel, cela arriverait-il? Et Élisée dit, voilà, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point trois. Or il y avait à l'entrée de la porte quatre hommes lépreux, et ils dirent l'un à l'autre, pourquoi demeurons-nous ici, jusqu'à ce que nous mourions? Si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est, et nous mourrons là, et si nous demeurons ici, nous mourrons aussi. Maintenant donc venez, et glissons-nous au camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. C'est pourquoi ils se levèrent avant le jour pour rentrer au camp des Syriens, et ils vinrent jusqu'à l'un des bouts du camp, et voilà il n'y avait personne. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chariots, et un bruit de chevaux, et un bruit d'une grande armée, de sorte qu'ils avaient dit l'un à l'autre, voilà le roi d'Israël a payé les rois des Éthiens, et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. C'est pourquoi ils s'étaient levés avant le point du jour, et s'étaient enfuis, et ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, et le camp comme il était, et ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Ces lépreux là donc entrèrent jusqu'à l'un des bouts du camp, puis ils vinrent dans une tente, ils mangèrent, ils burent, ils prirent de là de l'argent, de l'or, et des vêtements, et ils s'en allèrent, et les cachèrent. Après quoi ils retournèrent et entrèrent dans une autre tente, et prirent de là aussi des mêmes choses, et s'en allèrent, et les cachèrent. Alors ils dirent l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien, ce jour est un jour de bonne nouvelle, et nous ne disons mot, si nous attendons jusqu'à ce que le jour soit venu, l'iniquité nous trouvera, maintenant donc venez, allons, et faisons le savoir à la maison du roi. Ils vinrent donc, et crièrent au portier de la ville, et leur firent entendre, en disant, nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voilà, il n'y a personne, et on n'y entend la voix d'aucun homme, mais il y a seulement des chevaux attachés, et des ânes attachés, et les tentes sont comme elles étaient. Alors les portiers s'écrièrent, et le firent entendre dans la maison du roi. Et le roi se leva de nuit, et dit à ses serviteurs, je vous dirai maintenant ce que les Syriens nous auront fait. Ils ont connu que nous sommes affamés, et ils seront sortis du camp pour se cacher aux champs, disant, quand ils seront sortis hors de la ville, nous les prendrons vifs, et nous entrerons dans la ville. Qu'on prenne tout à l'heure cinq des chevaux qui sont demeurés de reste dans la ville, car voilà c'est presque tout, ce qui est resté du grand nombre des chevaux d'Israël, c'est là presque tout ce qui n'a point été consumé de cette multitude de chevaux d'Israël, et envoyons voir ce que c'est. Ils prirent donc deux chevaux de chariot, et ainsi le roi envoya après le camp des Syriens, en disant, allez, et voyez. Et ils s'en allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voilà, le chemin était plein de vêtements, et de hardes que les Syriens avaient jetés en se hâtant, puis les messagers retournèrent, et le rapportèrent au roi. Alors le peuple sortit, et pilla le camp des Syriens, de sorte qu'on donna le sad de fine farine pour un sicle, et les deux sads d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. Et le roi donna charge de garder la porte, au capitaine, sur la main duquel il s'appuyait, et le peuple le foula à la porte, tellement qu'il mourut, suivant ce que l'homme de Dieu avait dit, en parlant au roi lorsqu'il était descendu vers lui. Car lorsque l'homme de Dieu avait parlé au roi, en disant, demain au matin à cette heure-ci, on donnera à la porte de Samarie, les deux sads d'orge pour un sicle, et le sad de fine farine pour un sicle, ce capitaine-là avait répondu à l'homme de Dieu, et avait dit, quand maintenant l'Éternel ferait des ouvertures au ciel, ce que tu dis pourrait-il arriver? Et l'homme de Dieu avait dit, voilà, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il lui en arriva donc ainsi, car le peuple le foula à la porte, de sorte qu'il mourut.